Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones, une émission qui est consacrée au rock progressif, et ça toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. On touche au rock progressif d'hier à aujourd'hui, et cette semaine, eh bien, on fait un survol plutôt des groupes du nouveau millénaire. On remonte le plus loin qu'on remonte, c'est en 2011. Et durant les deux prochaines heures, eh bien, on aura The Tangent, un groupe multinational. On aura Lunatic Soul de Pologne, Sean Philkins d'Angleterre, Ad Astra des États-Unis. On aura Robots Against Entropy, ça c'est d'Ukraine. Damanek, un autre groupe multinational. Panzer Ballet d'Allemagne, Superfjord de Finlande et Yatin Srivastava Project. Ça, c'est une demande spéciale d'un auditeur de Shawinigan. J'ai nommé Paul Baudouin. Alors, The Tangent, ils nous ont proposé 10 albums depuis 2003, donc c'est assez prolifique sur la scène du rock progressif, et je dirais que c'est un des groupes les plus consistants aussi. 10 albums, dont plusieurs doubles, et c'est toujours nouveau. Il n'y a pas de réchauffé là-dedans. L'album qui vient de sortir s'intitule The Proxy. Je l'ai écouté et il va occuper au moins deux blocs. Probablement pas la semaine prochaine, mais on a un cette semaine, puis dans deux semaines, on aura un autre bloc consacré entièrement à ce CD-là. Alors, c'est un album qui comprend 4 pièces. Il y a sur le CD, moi j'ai le vinyle, là, mais le vinyle comprend 4 pièces, mais le CD est accompagné d'une pièce bonus. Alors, ça fait 5 pièces pour un total de 67 minutes. Alors, c'est quand même assez généreux. Et ce qu'on va entendre durant le premier bloc, c'est dit « Adulthood Live, Suppers Off et The Art of Repairing ». Alors, voici « The Tangent ». Help me find that missing page. about getting old when you're young. You shouldn't. Still at my age, I've seen about all that life has to dish out. I know to separate wheat from chaff. Let the small stuff fall away. Now the worst part of being old is remembering when you was young. Waiting for the drop. I'm selling home, saying that's not music. still time. There's still time. There's still time. There's still time. There's still time. There's still time. Together. seems like the car's just a traitor. 666 written on the door. Cost the MOT. It's due in 3 weeks. And we'll be back again in the shit, in the doldrums, while the BBC tells all the world that we're finished, and all the world's forced to agree. We try to change the world, but the world won't take. They go running back off to the 70s, and all the other bands are skins. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est le groupe The Tangent avec deux extraits tirés de leur plus récent album Proxy. Disons que c'est le 10e album du groupe. Et on a entendu Suppers Off et en début de bloc, nous avions The Adulthood Lie. Je rappelle que l'album The Tangent a plus de 68 minutes de bonne musique. Et moi, je qualifie, en fait, je l'ai classé dans mes 5 premiers. Mon top 5 de 2018. Alors après la pause, Lunatic Soul de Pologne et Sean Filkins d'Angleterre. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec un groupe de Pologne. En fait, c'est un musicien, Mariusz Duda, qui fait partie de Riverside. J'ouvre une petite parenthèse ici pour dire que Riverside sera à Montréal et Québec là, en printemps 2019. Allez faire un petit tour sur la page Rock de Neurones Facebook, Rock de Neurones, et puis vous allez avoir le lien pour vous procurer des billets si vous désirez assister à ça. Il y a aussi beaucoup d'autres spectacles là, qui s'annoncent. Notamment Reinstalt, Flower Kings, pour le nommer celui-là. Il y a Arena qui revient, mais je vous ferai la liste exhaustive des spectacles qui s'en viennent durant la prochaine émission. Alors, on débute le deuxième bloc avec Lunatic Soul. Ben, c'est le groupe de Mariusz Duda. Et Lunatic Soul, ben, c'est déjà 6 albums studio. Le plus récent, ben, c'est Under a Fragmented Sky. Ça, c'est un album quand même assez court, 36 minutes, et je vous propose de cet album-là la pièce « The Art of Repairing », et on va aller après ça avec Sean Filkins qui va meubler le reste du deuxième bloc. Sean Filkins, qui est ancien claviériste de la formation Big Big Train, qui a fait un album solo. En fait, son seul album s'est paru en 2011, ça s'intitule Surface of Last Scattering. C'est un musicien, je vous disais, qui faisait partie de Big Big Train et puis il a fait beaucoup de collaborations avec Lee Abraham de Galahad, qu'on retrouve aussi sur l'album de Sean Filkins. Il y a aussi la participation de 5-6 musiciens invités, dont John Mitchell, qui est le guitariste de Arena. Donc, des musiciens aguerris et vous allez entendre une pièce quand même de pas loin de 19 minutes. Et c'est bon, en tout cas, on voit la dextérité là, et le professionnalisme de ces musiciens-là. Alors, on débute ça avec Lunatic Soul. Thank you. Oh, Alors, c'était Sean Philkins accompagné de Lee Abraham du groupe Galahad et de John Mitchell du groupe Arena sur l'album War and Peace and Other Short Stories. Ça, c'est le seul album studio de Sean Philkins et on a entendu la pièce Epitaph for a Mariner. Et en début de bloc, nous avions de Pologne Lunatic Soul et la pièce The Art of Repairing Under the Fragmented Sky. Alors après la pause, Ad Astra, Robots Against Entropy et Damanek. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, durant ce troisième bloc, on va se promener un peu partout. On va aller des États-Unis jusqu'en Ukraine et on va passer par l'Australie. Et en début de bloc, ben, c'est un groupe américain, Ad Astra. C'est un groupe qui, en fait, il y a un style de rock progressif américain dont le contenu est inspiré de la Bible. Alors, c'est un groupe chrétien de rock progressif. Il y en a quelques-uns. Je n'ai pas la liste ici, mais dans ma banque de données, j'en ai déjà répertorié une couple. Alors, ça, c'est le groupe Ad Astra. C'est un groupe qui a œuvré dans le milieu des années 2010 avec deux albums studio à leur actif. Le premier qui est en 2008, et c'est ça. Et le deuxième, 2014, et c'est tiré de cet album-là qu'on va entendre la pièce « Surface of Last Scatterings ». En fait, c'est la pièce-titre de l'album. Et on va enchaîner avec un groupe ukrainien qui est un nouveau groupe, qui s'appelle « Robots Against Entropy ». Ça, c'est un groupe formé de cinq musiciens, je disais, ukrainiens, avec un artiste invité qu'on connaît bien, c'est Derek Sherinian, qui fait partie du groupe Sons of Apollo. Et ça, c'est, comme je vous disais, c'est le premier album. L'album, c'est un album homonyme, Robots Against Entropy. On va entendre la pièce Come Get Some. Et on va conclure avec Damanek. Damanek qui a fait le bloc d'entrée de la semaine dernière, le bloc consacré au rock, c'est-à-dire à l'album de la semaine. Et on n'en avait pas fini avec cet album-là. La preuve, c'est qu'on va présenter aujourd'hui un autre extrait, The Crossing. Alors, on débute ça avec Ad Astra. Of the darkness of the sun. soul, drawing us in with fragments of memory. A narrow road, calling to light, reaching for hope, tearing through the veil. See past the surface of last scattering. Space beyond and within. Whither the wind blows, the weather we know. The spirit of God grows in flesh, launching into mist on the darkness of the soul, drawing us in with fragments of memory. A narrow road, calling to light, reaching for hope, tearing through the veil. Past the surface of last scattering. Past the surface of last scattering. Punctuated by terrible nails, a single truth never fails. The light of the world reaches to you from angstrom to light year, calling through the surface of last scattering. Second of truth, the first heartbeat of faith, blessing said, sacrament revealed, reaches from that night till tonight. Scattering. past the surface of last scattering. Darkness of the soul, drawing us in with fragments of memory. A narrow road, calling to light, reaching for hope, tearing through the veil, seeing past the surface of that scattering. Past the surface of that scattering. Past the surface of that scattering.

Alors, c'était Demonic, un groupe collaboration britannique et australienne avec la pièce The Crossing. Ça, c'est tiré de l'album In Flight. C'est tout récent. Et auparavant, nous avions Robots Against Entropy et la pièce Come Get Some. Ça, c'est extrait de l'album homonyme. C'est un groupe ukrainien. Alors, c'est tout frais, ça vient de sortir. Et en début de bloc, nous avions des États-Unis, Ad Astra et la pièce titre de l'album Surface of Last Scattering. Ça, c'est paru en 2014. Après la pause, on a tout un périple. Ça va aller de l'Allemagne à la Finlande jusqu'en Inde. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici donc rendus au dernier segment de l'émission et on va débuter avec Panzer Ballet. Ça, c'est un groupe d'Allemagne qui a 6 albums studio à son actif et l'avant-dernier est paru en 2015, c'est-à-dire, c'est pas l'avant-dernier, c'est celui juste avant, donc le 4e sur 6, paru en 2012. L'album s'intitule Thank Goodness et on va entendre la pièce Zarfunk. Et ça va être suivi d'une découverte que j'ai faite récemment. C'est un groupe que je connaissais pas. C'est Super Fjord. Ça vient de Finlande. C'est 3 albums studio à leur actif. Et ils viennent de faire paraître le plus récent. C'est All Will Be Golden. Et on va entendre The Cut and Paste. Et on a une demande spéciale pour la fin de l'émission. C'est Paul Baudouin de Shawinigan qui veut se mettre dans l'ambiance de l'Inde parce qu'il s'en va en Inde bientôt et il veut entendre le groupe indien Yatin Srivastava Project. C'est un album qui est paru récemment et c'est Chaos Deep Despair. Ça, c'est, je pense, le premier album du groupe. Alors, on débute ça avec un petit peu de fusion jazz avec Panzer Ballet. Thank you.

peut donner un gros merci à Paul Beaudoin de Shawinigan pour nous avoir fait connaître ce groupe qui nous vient de l'Inde. C'est Yatin Srivastava Project et on a entendu la pièce Program Obsolete tirée de Chaos Despair. Ça, c'est paru, c'est tout récent, puis je pense que c'est le premier album de ce groupe-là. Ça nous vient de l'Inde. Et auparavant, nous avions Super Fjord et de Finlande avec la pièce Cut and Paste. C'est tiré de leur dernier album All Will Be Golden. Et en début de bloc, nous avions Panzer Ballet d'Allemagne et la pièce Zerfunk est tirée de l'album Thank Goodness. Ça, c'est paru en 2012. Alors ça met fin à la programmation musicale de Rock de Neuron pour cette semaine. Je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission pour toutes les informations concernant la feuille de route d'aujourd'hui. Alors, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une bonne semaine et qui vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.